serio, por favor. Ay, nada, cuidado. Ama foi nyana bo fene bay nga jori nyare ya nyare jan ale na ma da blambo ma bien di la marché ni ma fla joie ay c'est parti. I found Beba Santigo teach knowledge. Cara Juni crying, eh? No, take a foreign bond, no use, or a king of Jim baby control. I'm going to go to the yellow. Para ni mo nga joya juge juna nan blan debi salon na chine ni joye ngare ye ni ra nyana ngone igu ka tigini le jo fli ka ta bi ko sibile nga sa e sibile nga ye. Sinon, tu connais la baronne à la salle, et tout le monde pour bien tout. Ouais? Oh, y'a souvent là. Hein? Souvent flammé. Alors, on refait une heure d'ouvrir le baron. J'en ai. Ah, hein? Ya mandu ese gi ñoko taw tel ko ra nga lepp se an ko taw tel ko ra e wala da keren fa ñu Bana balana I bɛ jigin. Wɛ. I bɛ jigin dɛ. E ko k'a kɛ ten. Ji jumɛn sumalen? Tu vas le jeter plus loin ? Oui, il va le jeter encore. Ah ouais, c'est bien, c'est intéressant. Basa ko jege de gam yero ba ah ay ninge mi sikle fle na mo wa bon ni du C'est la tournée là. bwangata swama war berita. Petit bozo, ça n'est pas moi, voilà. Quel cadeau de notre moïta, il va faire. Il va faire. Il va faire. Il va faire. Il va faire. Il Bon, parce qu'aujourd'hui qu'on avait venu visiter dans l'eau, c'était très bien pour lui aussi. Parce qu'il dit que c'est pas mal. parce qu'ils n'ont pas gagné le poisson. Moi, je dis que ça aussi, c'est pas mal, c'est bien passé. Parce qu'on a vu bonne chose dans l'eau, parce qu'ils ont dit que c'est mon ami, il s'appelle Jean-François. Moi aussi, c'est Mamadou. Lui aussi, c'est un bozo, c'est un pêcheur. Parce qu'on a bien discuté dans l'eau, parce qu'ils ont dit que bon, c'est que notre visite était bien passée. Mais dit oui, ouais, c'est pas mal, c'est ça. Parce qu'on n'a pas vu, bon, les poissons étaient toujours rendus l'air nuit. Parce que s'il fait le soir ou bien à midi comme ça, les poissons aussi vont quitter aller manger dans autre coin. Parce que c'était hier nuit, ils ont déjà mangé aussi. Oui, tout le monde, ils ont l'air nuit, ils n'ont pas rêvé d'abord. Ouais.